Le porte-parole du comité central de la Société de la Croix-Rouge de la République populaire démocratique de Corée a répondu le 8 aux questions du correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée à propos de l'adoption à la Chambre des représentants américains du projet de résolution sur les retrouvailles des familles proches séparées des Coréens aux États-Unis. En voici le résumé. Le 29 novembre, la Chambre des représentants américains a adopté le projet de résolution revendiquant à la République populaire démocratique de Corée d'autoriser les retrouvailles des Coréens aux États-Unis avec leurs familles proches au nord de la Corée et de prendre des mesures en faveur de l'établissement de la confiance susceptible de contribuer à pérenniser la paix dans la péninsule coréenne. Par la suite, un congressiste américain a qualifié ce projet de résolution de fondement pour les retrouvailles des familles séparées de 100 000 Coréens aux États-Unis. Comme le monde reconnaît, les Américains sont auteurs du problème des familles proches dispersées après la division de la nation coréenne et criminels qui ont empêché même les rencontres des familles proches par leur politique hostile à l'égard de la Corée. Surtout, les Américains ont disposé en Corée du Sud chaque année un grand nombre de forces armées d'agression pour livrer sans cesse les simulacres de guerre nucléaire contre notre République en vue de faire échouer délibérément les retrouvailles des familles proches séparées du nord et du sud de la Corée, et poursuivre avec persévérance sanctions et pressions contre nous afin d'intercepter toujours la visite à la patrie des ressortissants coréens. Malgré tout cela, à la suite de l'adoption de la motion sur les aides des rencontres des familles dispersées des Coréens aux États-Unis en janvier 2008, le Congrès américain a adopté le nouveau projet de résolution réclamant les retrouvailles des familles proches séparées des Coréens aux États-Unis, ce qui est destiné à abuser de ce problème comme prétexte de la campagne conspiratrice des droits de l'homme dans notre pays et comme voile pour dissimuler la nature du criminel qui a divisé la nation coréenne sous masque de l'humanitarisme. Même les compatriotes aux États-Unis intéressés aux retrouvailles des familles proches séparées condamnent que ce projet de résolution est destiné à presser le Nord, qu'il n'est point favorable ni aux rencontres des familles dispersées, ni à la paix de la péninsule coréenne, et qu'il produira des effets contraires. Plus les États-Unis tentent sournoisement d'abuser même du problème des retrouvailles des familles proches séparées des Coréens aux États-Unis à leur campagne conspiratrice des droits de l'homme dans notre pays, plus leurs mauvaises intentions et leur effronterie seront dévoilées.